الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد أيها الناس إن من أعظم أمنية المسلم وغاية كل مؤمن أن يكون ممن أحبه الله عز وجل فكما أن الله يحب من قبل عباده فكذلك ثبت في النصوص الصحيحة أن من صفات الله تعالى المحبة فيحب بعض الأعمال وبعض الناس وموضوعنا موضوع مهم وهو ما هي أسباب محبة الله للعبد هذا مطلوب عظيم وكلنا نتمنى أن نكون ذلك العبد لكن ما هي الطريق الموصلة إلى أن نكون ممن أحبه الله تبارك وتعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أحب الله عبدا نادى جبريل إني أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل ثم ينادي في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبهم أهل السماء فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض متفق عليه وفي رواية مسلم رحمه الله تعالى بزيادة هذا إذا أبغض الله عبدا نادى جبريل إني أبغض فلانا فأبغضه فيبغضه جبريل ثم ينادي في أهل السماء إن الله يبغض فلانا فأبغضوه فيبغضه أهل السماء فيبغضه أهل السماء الحديث فسبحان الله انظروا إلى منزلة من أحبه الله عز وجل والإنسان يفرح إذا سمع أو إذا علم أن فلانا من أهل العلم قد أحبه أو أن فلانا من الأمراء قد أحبه أو أن فلانا من الملوك قد أحبه فكيف إذا أحبك الله فكيف إذا أحبك الله عز وجل خالق السماوات العظيم الملك الحق المبين الله يذكرك يا عبد الله باسمك عند أهل السماء ويثني عليك لماذا أحبه الله هذا العبد لماذا أحبه الله سبحانه وتعالى كيف توصل هذا العبد إلى أن صار ممن أحبه الله تبارك وتعالى لأن هذا العبد قد وحد الله سبحانه وتعالى قد أفرده بالعبادة وفيما يختص به جل وعلا امتثل أوامر الله واجتنب النواهي قاصدا في كل ذلك رضا رب العالمين حبا خوفا منه جل وعلا ورجاء لما عنده ومن أسباب محبة الله لك المحافظة على الفرائض والاستكثار من النوافل. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه: من عادى لي وليا فقد آذنت بالحرب، من آذى لي وليا فقد آذنت بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، ولا يزال. وهذا يدل على الاستمرار وعلى الثبات على الأعمال الصالحة. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، وهذا هو الشاهد، حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. رواه البخاري. في هذا الحديث العظيم أن من عاذى من أحبه الله، من عاذى المتقين المؤمنين، حربه الله العزيز الجبار. فمصيره ولا شك في ذلك إلى ذلة والصغار. فيه أيضا أن من أسباب محبة الله للعبد المحافظة على الفرائض، وهو ما أمر الله به أمرا جازما، بدءا بالتوحيد والعقيدة الصحيحة السليمة، ثم الصلوات الخمس، والزكاة والصيام والحج، وبر الوالدين وصلة الأرحام، وغير ذلك مما أمره الله سبحانه وتعالى في كتاب الكريم أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. ثم الاستكثار من النوافل، نوافل الصلاة كالرواتب والنوافل المطلقة، والنوافل الصيام والصدقات والحج وهلما بهذه الأمور، والمداومة على ذلك يحبك الله سبحانه وتعالى. وبعد ذلك، ما هي فضائل هذه الأمور؟ ما هي فضائل محبة الله لك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله: كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى سيوفقك في أعضائك ويسددك فيها، فلا تسمع إلا خيرا، ولا تنظر إلا إلى خير، ولا تمشي إلا في طرق الخير. ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. كل ذلك بسبب المحافظة على الفرائض، ثم إكمالها بالاستكثار من النوافل. ونذير هذا الحديث حديث ابن عباس رضي الله عنه: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، احفظ الله يحفظك، يحفظك في إيمانك، يحفظك في دينك، يحفظك في مالك، في أهلك، في أولادك، في كل شيء، يكن الله معك سبحانه وتعالى. ومن أسباب محبة الله للعبد التقوى، التقوى. قال الله سبحانه وتعالى: فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، إن الله يحب المتقين، إن الله يحب المتقين. فإذا أردت أن تكون ممن أحبه الله، كن من أهل التقوى، كن ممن حافظ على الفرائض، كن ممن اجتنب عن النواهي، فتكن متقيا بذلك. وقال سبحانه وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. ومن أسباب محبة الله العبد التوبة والاستغفار، التوبة والاستغفار والطهارة. قال سبحانه: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فأكثر من التوبة والاستغفار. وكان النبي صلى الله عليه وسلم مع علو منزلتي عند الله رب العالمين كان يستكثر من الاستغفار. ومن أسباب محبة الله أيضا الحب في الله والبغض في الله. قال تبارك قال ابن عباس رضي الله عنهما: من أحب لله، من أحب لله ووال في الله وأبغض لله وعاد في الله، فبهذا فإنما تنال الولاية، فإنما تنال ولاية الله بذلك. ومن أعظم أسباب محبة الله للعبد اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم واجتناب البدع والمحدثات. قال الله سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فهنيئا لكل مسلم، لكل سني اتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن الله قد أحبه. أسأل الله الكريم أن يجعل ممن أحبه، أسأل الله العظيم أن يجعل ممن اتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. والحمد لله. الحمد لله رب العالمين، ولي الصالحين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما. شيخ فرير، chaque musulman et chaque musulmane dans ce bas monde recherche l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, recherche à être aimé de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous savons tous que chaque personne aime Allah tabaraka wa ta'ala, mais le but c'est pas que toi tu aimes Allah tabaraka wa ta'ala, car tout le monde aime Allah, le musulman comme le non-musulman. Le but c'est d'atteindre le niveau où Allah subhanahu wa ta'ala t'aimera toi. Allah tabaraka wa ta'ala soit satisfait de toi. Et il y a des causes et des chemins qui mènent à l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala et à être aimé de sa part. Et cela est un sujet qui a la plus haute importance. Car Allah nous a créés pour un but immense, c'est l'adorer seul d'un culte sincère. Et si on met en pratique ces ordres, on arrivera à être aimé de la part d'Allah tabaraka wa ta'ala. Il nous faut maintenant savoir les chemins qui mènent à cet amour. Allah subhanahu wa ta'ala, parmi ses attributs, il y a l'amour. Comme cela est affirmé dans le Coran, dans surat al-Tawbah, le repentir. Et dans la sunnah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: lorsqu'Allah aime un serviteur, il appelle Jibril. Ô Jibril, j'aime un tel, alors aime-le. Jibril l'aime alors. Puis il appelle les gens des cieux, c'est-à-dire les anges. Allah aime un tel, alors aimez-le. Plus les habitants des cieux l'aiment, jusqu'à ce qu'on répande son agrément sur ce bas monde. Jusqu'à ce qu'on répande son agrément sur ce bas monde. Dans ce hadith immense, on voit la grande place de celui qui a aimé Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala t'appelle par ton nom. Allah azza wa jal te cite toi, la créature faible, alors qu'il n'a pas besoin de toi. Mais pour nous montrer la grande place de ce serviteur, il fait ses éloges en l'appelant par son nom. Il appelle qui? Il appelle le meilleur des anges. le meilleur des anges, l'ange de la révélation Jibril alayhi salam, l'ange le plus rapproché, un des anges les plus immenses et qui a la plus grande place auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. Allah l'appelle et lui dit: j'aime un tel, et il te cite toi par ton nom. Un des deuxièmes grands bienfaits de ce hadith, c'est que Jibril alayhi salam t'aime à son tour. Un des troisièmes bienfaits de ce hadith, les anges t'aiment, puis on répand ton agrément sur la terre. Si toi tu avais entendu, wallahi, qu'une personne parmi les grands de ce bas monde t'aime et fait tes éloges, wallahi, que tu te serais réjoui de cela. Si tu aurais entendu que tel savant ou que tel roi fait tes éloges et t'aime, tu te serais réjoui de cela. Alors que dire si c'est le roi des rois, le créateur de toutes choses, le seigneur des mondes, Allah, Rabbul Alamin, qui t'aime toi et fait tes éloges. Sans aucun doute, c'est un rang immense ici qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne à son serviteur. Pourquoi est-ce qu'Allah a aimé ce serviteur? Est-ce que c'est par son nom? Est-ce que c'est de par son rang social? Est-ce que c'est de par sa nationalité? Est-ce que c'est de par son nom de famille, sa couleur? Non. Le serviteur n'a pas de lien avec Allah si ce n'est de par l'adoration. Si ce n'est de par sa croyance. Allah a aimé ce serviteur car il s'est soumis à ses ordres. Car il l'a adoré d'un culte sincère et s'est éloigné de sa désobéissance. C'est pour cela que la première cause qu'on va citer pour avoir l'agrément d'Allah et son amour, c'est le fait d'accomplir les obligations, puis d'ajouter les surrogatoires. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, Allah le Très-Haut dit: celui qui fait du mal à un de mes serviteurs rapprochés, je lui déclarerai la guerre. Subhanallah. Celui qui fait du mal à un de mes serviteurs rapprochés, je lui déclarerai la guerre. Et mon serviteur ne se rapproche pas de moi par un acte plus aimé auprès de moi que ce que je lui ai rendu obligatoire, les obligations. Et il ne cesse de se rapprocher de moi par les actions surrogatoires jusqu'à ce que je l'aime. Jusqu'à ce que je l'aime. Et lorsque je l'aime, je suis lui avec laquelle il entendra. Je serai lui avec laquelle il entendra. La vue avec laquelle il regardera. La main avec laquelle il frappera. Et le pied avec lequel il marchera. Et s'il me demande, assurément, je lui donnerai. Et s'il cherche protection auprès de moi, je lui accorderai. Dans ce hadith, on voit qu'une des plus grandes causes pour avoir l'amour d'Allah Azza wa Jal, c'est de mettre en pratique ce qu'il nous a ordonné. En commençant par l'unicité d'Allah Azza wa Jal, l'adorer d'un culte sincère. En commençant par l'aimer, le craindre et espérer tout ce qu'il y a auprès de lui. Puis les 5 prières quotidiennes obligatoires. Puis le jeûne du mois de Ramadan, s'acquitter de l'aumône légale, accomplir le pèlerinage. La piété filiale, le fait de maintenir les liens de parenté. Le respect des parents, l'éducation de l'épouse et des enfants, le droit des voisins et tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné. Ici, on voit aussi que celui qui fait du mal à un wali, quelle est la définition d'un wali? Ce n'est pas celui qui marche sur l'eau et celui qui vole dans les airs. Non, el wali. الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ. Ceux qui ont eu foi et qui sont pieux. Voici Al-Wali, celui qui est proche d'Allah et qui a aimé Allah tabaraka wa ta'ala et Allah l'a aimé. Celui qui fait du mal à une personne de la sorte, Allah lui déclare la guerre. Et qui est-ce qui pourrait supporter cela? Celui qui fait du mal à un croyant pieux, sa destination sera l'humiliation dans ce bas monde et dans l'au-delà. Avec la mise en pratique des ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, le fait de s'éloigner de ses interdits, Allah subhanahu wa ta'ala t'aimera. Si tu t'efforces de maintenir ce chemin-là, de te maintenir sur ce chemin-là, et d'ajouter à cela les actions surrogatoires. Et le prophète nous dit une parole semblable dans le hadith d'Ibn Abbas. Ô jeune homme, préserve Allah, il te préservera. C'est-à-dire préserve les ordres d'Allah. Tiens-toi aux obligations d'Allah et Allah te préservera. Dans ta santé, dans ton argent, dans tes enfants, ta famille. Et plus important que cela, dans ta foi et dans ta religion. Que veut dire à la fin du hadith, je serai lui avec laquelle tu entendras. La vue avec laquelle tu regarderas, la main avec laquelle tu frapperas, le pied avec lequel tu marcheras. Ça veut dire qu'Allah t'accordera la réussite dans tous tes membres. Qu'Allah t'accordera la réussite. Il te raffermira sur le bon chemin. Et t'accordera la réussite, tu regarderas que le halal. Tu écouteras que le halal, pas la musique, non. Mais tu écouteras le Coran. Tu écouteras les hadiths, les assemblées de science. Et tu t'éloigneras de tout ce qu'Allah déteste. Tu regarderas que ce qui est halal. Tu regarderas que ce qui est halal. Tu ne resteras pas du matin au soir devant la télé à regarder des choses blâmables. Non. Mais tu ouvriras le mushaf, le livre d'Allah Azza wa Jal, pour lire la parole d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Parmi les plus grandes causes pour qu'Allah t'aime, le fait de demander pardon à Allah Azza wa Jal à chaque fois que tu fais un péché. Car Allah dit dans le Coran, Allah aime ceux qui se repentent. Et aime ceux qui se purifient. At-tawwab est celui qui se repent souvent. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam. À chaque fois que tu fais un péché, rappelle-toi la grandeur d'Allah Azza wa Jal. Rappelle-toi les bienfaits qu'Allah t'a donné. Et te voilà ici en train de lui désobéir. Rappelle-toi de sa grandeur. Rappelle-toi de son châtiment. Rappelle-toi que c'est celui que t'aimes par-dessus tout. Et demande-lui pardon pour tes nombreux péchés. Allah aime ceux qui se purifient. Ceux qui se purifient de la mécréance, ceux qui se purifient du polythéisme, ceux qui se purifient des péchés, puis ceux qui se purifient de toute souillure, puis ceux qui se purifient, na'am, de toute souillure. Parmi les causes pour être aimé d'Allah, le fait d'aimer pour Allah et de détester pour Allah. Ibn Abbas nous dit, celui qui aime pour Allah, qui se rapproche des gens pour Allah, qui déteste pour Allah et s'éloigne des gens pour Allah, avec cela, on gagne l'amour d'Allah. Avec cela, on gagne l'amour d'Allah. Parmi les causes, les plus grandes causes pour être aimé auprès d'Allah, le fait de suivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah nous dit dans le Coran, dit, si vous aimez Allah, suivez-moi alors. Allah vous pardonnera vos péchés. Allah vous aimera alors et vous pardonnera vos péchés. Dit, si vous aimez véritablement Allah, suivez-moi. C'est-à-dire, suivez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah vous aimera alors et vous pardonnera vos péchés. Donc suis la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Suis la voie des gens de la sunna et éloigne-toi de toute innovation, que ce soit dans la croyance, dans les adorations ou dans le comportement. Parmi les causes qui te vaudront l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est la plus grande cause, le fait de connaître Allah de par ses noms et ses attributs, le fait d'unifier Allah d'un culte sincère, et pour ce faire, il te faut soit regarder les signes d'Allah universels, comme la création des cieux et de la terre, soit le fait de regarder dans les signes d'Allah, la législation, le Coran, le fait de lire le Coran. Et on citera qu'un seul hadith. Et ô combien il est énorme, le hadith de Aïcha radiallahu anha. Lorsque le prophète sallam a envoyé une délégation, il y a un homme qui présidait la prière. À la fin de chaque prière, il finissait par Qul huwallahu ahad. Ils lui ont demandé pourquoi est-ce que tu fais cela. Lorsqu'ils sont rentrés, ils ont informé le prophète sallam de cela. Le prophète sallam a dit, demandez-lui pourquoi est-ce qu'il fait cela. À chaque fois qu'il finissait, il récitait Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Alors cet homme-là a dit, cette sourate décrit Allah. Dans cette sourate, il y a les attributs d'Allah. Alors j'aime la réciter. Lorsqu'ils ont dit ça au prophète sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, informez-le qu'Allah l'a aimé. Informez-le qu'Allah l'a aimé. Alors ceux qui aiment le Coran, la lecture du Coran, la connaissance d'Allah à travers ses noms et ses attributs, ils gagneront inshallah l'amour d'Allah azza wa jal. Et le dernier point qu'on citera, c'est le fait de s'aimer pour Allah, se visiter pour Allah et s'asseoir pour Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit qu'Allah dit, j'ai rendu obligatoire mon amour pour ceux qui se sont aimés pour moi, se sont assis pour moi, se sont visités pour moi et ont dépensé pour moi. À tout cela,